La bienfaisance de la foi. Guy Dupréau a écrit « Il y aurait un seul brin d'herbe sur la terre, que ce serait assez pour obliger l'homme à dire « Il y a un Dieu ». Haïr l'idée de Dieu, c'est déjà prouver son existence, l'homme étant incapable de haïr ce qui n'existe pas. La vérité est que lorsque la foi vous a quitté, vous êtes devenu un orphelin. Notre civilisation moderne est responsable d'avoir créé des hommes sans âme. Où et quand vit-on fleurir sous l'empire de l'athéisme des vertus comme celles du monde chrétien? Les vies des saints du passé sont des miracles qui ne peuvent être anéantis. Le père Cossette a écrit « L'œil de l'homme prouve le soleil pour lequel il est façonné. Notre besoin de croire en Dieu atteste l'existence de Dieu. » Alors je vous dis, athées, ne vous moquez pas du Christ. Quelle nourriture mangerez-vous? Et de quoi vivrez-vous lorsque vous aurez achevé de piétiner le seul vrai pain qui existe en ce monde? Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». L'athée est un enfant affamé qui s'ignore. Le doute est une situation douloureuse pour l'esprit parce qu'elle est anormale. Si vous êtes de cette catégorie, vous avez appris ou vous êtes sûrement en train d'apprendre que l'absence de la foi crée un vide effrayant sur lequel il est impossible d'échafauder sa destinée. Platon a écrit « On peut dire généralement qu'aucun de ceux qui, dans leur jeunesse, ont cru qu'il n'y avait pas de Dieu, n'ont persisté jusqu'à la vieillesse dans cette opinion. » Et pourquoi pensez-vous? Parce qu'il n'est pas naturel de vivre sans Dieu. Pas plus qu'il ne l'est à un nouveau-né de survivre sans la protection d'un père ou d'une mère. Vivre sans foi est un mode de vie dangereux, fragile, frêle et incertain. Malheur à qui ne croit rien. Alphonse Rodriguez a écrit « Un cheval sans frein se précipite lui-même et un vaisseau sans gouvernail ne peut manquer de périr. » Aussi, l'homme qui n'a plus le frein de la présence de Dieu s'abandonne à ses passions déréglées et court lui-même à sa perte. Rien ne prouve mieux l'existence de Dieu que le malheur de ceux qui n'y croient pas. Croire est une loi naturelle. Nous n'avons pas à nous forcer pour croire. Si notre cœur est sincère, Dieu se rendra lui-même sensible au cœur bien disposé. Il y a un sens profond dans cette courte parole d'Évangile « Je me suis lavé et j'ai vu ». Pourquoi avons-nous tant de peine à croire en ce dont pourtant nous avons si désespérément besoin? Le père Jean-Nicolas Grou a écrit « L'homme n'a nulle ressource en soi pour se donner la paix. Le besoin de Dieu prouve son existence comme la faim prouve l'existence de votre estomac. L'existence de nos yeux prouve également l'existence de la lumière. Vivre sans foi, c'est comme essayer de vivre en mangeant des racines comme nourriture. Vivre sans foi, c'est marcher dans l'obscurité de la mélancolie et les ténèbres de la tristesse. Nous ne pouvons peut-être pas voir Dieu avec nos yeux charnels, mais un enfant aveugle n'a pas besoin de voir son père pour lui tendre les bras. La foi ne dépend pas des preuves, mais de la confiance. La foi est l'œil intérieur de l'esprit. L'univers est le ventre de Dieu dans lequel repose le fœtus de l'humanité. La foi est le cordon ombilical qui nous relie à lui et par lequel nous devons tirer notre vie et notre nourriture spirituelle. Vivre sans Dieu, c'est vivre en contradiction avec son humanité. Voilà pourquoi la vie de tant de gens en ce monde leur semble morne, insipide et vide de sens. Le père Didon a écrit « De toutes les misères humaines, la plus grande est celle de l'homme sans Dieu. L'humanité devrait donc regarder un peu moins dans ses microscopes et un peu plus dans son âme. L'athéisme est la mutilation de la vie. Prisonniers de leur propre incrédulité, leur vie sans foi peut devenir un véritable camp de concentration. Sans foi ni père, la vie devient un enfer. » Saint Vincent de Paul a écrit « Au premier siècle, Jean le presbytre a écrit « Le désespoir est un plongeon dans le néant. » Alors la vie est une longue inquiétude, mais la foi est une longue paix. Saint Vincent de Paul a écrit « Seules les vérités éternelles sont capables de remplir votre cœur. » Jésus a exercé sur le monde une influence si profonde qu'en vérité, l'on peut dire que le simple récit des trois courtes années de sa vie active a fait plus pour adoucir l'humanité que toutes les dissertations des philosophes de l'histoire réunies. L'homme est libre de ne pas croire, et il est libre d'en mourir aussi. Le père Cossette a écrit « La mort de la foi dans une âme suppose celle des espérances, mais qu'il est bon de voir la vie à travers les yeux de la foi. La foi et la confiance en Dieu fera immanquablement surgir la lumière en vous et autour de vous. Il n'y a de véritable contentement de cœur, ni de quiétude de douceur, que dans l'attachement, l'affection et l'amitié de Dieu. Celui qui s'appuie sur un mur est couvert par son ombre, et celui qui se confie en le Tout-Puissant sera couvert de sa paix. » Le psaume 91, verset 1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Heureux les hommes fatigués qui se laissent porter sur les ailes de la confiance de sa providence. » Le père Cossette a encore écrit « Je crois, enfin, comme depuis ce moment la vie est légère, que le monde est beau et que cette vallée de larmes rayonne de célestes clartés. Il est bon d'être lassé et fatigué par d'inutiles recherches de la vérité, entre guillemets. La fatigue fait cesser les combats. Ainsi en arrivons-nous enfin à tendre les bras au seul Sauveur et à faire de la foi un bénéfique mode de vie. C'est alors que vous ressentirez la force de la vérité et vous lui céderez. Vous connaîtrez la sécurité d'être le fils ou la fille d'un Père aimant et tout-puissant. » La Bible dit dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 31, verset 1, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Ceci dit, peut-être votre cœur est-il prêt à recevoir la grâce. Acceptez-vous de croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu? Croyez-vous que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts? Croyez-vous que Dieu vous aime et qu'il a envoyé Jésus porter vos péchés sur la croix et qu'il a supporté les souffrances qui vous étaient dues? Voulez-vous goûter la paix de son adoption? Si oui, fermez les yeux et faites cette prière. Mon Dieu, je veux connaître le bonheur, la joie d'être ton enfant. Connaître la paix et ne plus m'inquiéter de rien. Je remets ma vie, mon âme et mon corps entre tes mains et à la sagesse de ton jugement. Je marcherai désormais de mon mieux derrière Jésus, et je ferai sa volonté en suivant les paroles de son évangile. Par la foi, je déclare de ma bouche que je suis en cette minute un enfant de Dieu à part entière. Amen.